Je me sens pas bien, je vois tomber des fleurs. Des nounours en peluche avec des petits cœurs. Je crois que j'ai la maladie de la guimauve. Et ça m'indispose tout ce petit bonheur. Je souris comme un con, pas n'importe quelle heure. J'ai de la compassion pour mes détracteurs. Tous les hommes de la terre sont mes frères et sœurs. Je regarde mon chien et voilà que je pleure. Je crois que c'est la maladie de la guimauve. Et ça m'indispose tout ce foutu bonheur, docteur. Cravate rose sur une veste à fleurs. Un pantalon jaune, j'ai trop de couleurs. Je crois que j'ai la maladie de la guimauve. Et ça m'indispose tout ce foutu bonheur, docteur. Le monde part en couille, je vois pas le mal. La rue est déprimée, moi je nage dans le bonheur. Pas besoin de cacher d'antidépresseur. Je traverse la vie, je n'ai même pas peur. Je crois que j'ai la maladie de la guimauve. Et ça m'indispose tout ce foutu bonheur, docteur. La guimauve, et ça m'indispose tout ce petit bonheur.